Le théâtre où l'on s'amuse. Une production et réalisation de Jean Chouquet et Philippe Soupeau. De très nombreux auditeurs du théâtre où l'on s'amuse nous ont écrit pour nous demander d'inscrire à notre répertoire une farce. Une farce vraiment farce, nous précisait l'un d'eux. Cédant à ces sollicitations, nous présentons ce soir une farce énorme. Elle est cependant devenue classique, bien qu'elle ait été écrite en 1890. Comme toutes les farces, elle n'est pas destinée aux oreilles sensibles ni à celles des enfants, qui pourtant aiment beaucoup les farces et guignolent. Donc ceux qui n'aiment pas Rabelais et les farces de Molière sont prévenus et bien prévenus, n'est-ce pas? Ces précautions oratoires et nécessaires étant prises, nous souhaitons que les auditeurs acceptent de jouer le jeu que leur propose l'humoriste français le plus authentique et le plus puissant du XIXe siècle, celui qui a exercé et exerce encore une grande influence sur les jeunes écrivains, j'ai nommé Alfred Jarry. C'est en effet le chef-d'œuvre célèbre dans le monde entier d'Alfred Jarry, Uburoi, que nous présentons ce soir. Cette présentation, nous ne craignons pas de le dire, est exceptionnelle. En effet, nous avons pu décider, et qu'il soit remercié publiquement, un des plus grands acteurs comiques de notre temps, Jean Richard, d'interpréter le rôle du Père Ubu. Alfred Jarry, nous en sommes persuadés, se serait réjoui de cette interprétation. Uburoi, c'est aujourd'hui et pour longtemps Jean Richard, plus truculent et plus fin que jamais. Son camarade Jacques Dufilho, dans le rôle de la mère Ubu, est hallucinant. Et comme beaucoup de farces, Uburoi devient une tragédie, ou plus exactement une tragique bouffonnerie. Elle évoque un terrible souvenir. Ceux qui, comme moi, ont vu fonctionner l'horrible personnage que fut Adolf Hitler, qui, au cours d'un reportage, est assisté à une de ses colères, qui a suivi la sanglante carrière de ce dictateur paranoïaque, ne peuvent pas s'empêcher de le comparer à Ubu. Comme on dit si souvent aujourd'hui, la réalité a dépassé la fiction. Hitler a vécu ce que n'avait même pas osé imaginer Alfred Jarry pour le règne d'Uburoi. Ainsi, la tragédie que la plupart d'entre nous ont supportée a dépassé la farce. Un mot encore, un mot à propos d'un mot, celui qui a rendu célèbre un général de l'Empire, un mot qui, si nous ne sommes pas hypocrites, nous écoutons, nous reconnaissons à tous les carrefours, à tous les coins de rue, dans l'autobus, ou même dans les salons littéraires. Ce mot si populaire, Alfred Jarry et Uburoi et la mère Ubu en usent et en abusent. C'est la façon de parler des dictateurs à la Hitler. N'en soyez ni étonnés ni choqués. Boileau souhaitait qu'on appelât un chat, et Alfred Jarry a suivi cette leçon. Il fait parler Ubu avec toute la grossièreté qui caractérise ce grossier personnage. Mais un personnage ridicule à souhait, grotesque et terriblement bouffon, hâtez-vous d'en rire. Comme nous vous l'avons annoncé, c'est Jean Richard qui sera Uburoi et Jacques Dufilho, la mère Ubu. Le rôle du capitaine Bordure sera tenu par Hubert Deschamps, celui du jeune Bougrelat par Guy Pierrot. Tous les autres personnages d'Uburoi, et Dieu sait s'ils sont nombreux, seront interprétés par Rosy Wart, José Arthur, Habib Benglia, Claude Pieplu, Claude Riche, Pierre Trabeau, Yves Duchâteau. C'est Georges Carmier qui lira toutes les indications scéniques précisées par Alfred Jarry. La prise de son sera assurée par Albert Laracine, le montage par Alain Chézeau. Acte 1er, scène 1er. Père Ubu, Mère Ubu. Merde ! Voilà du joli, Père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou. Que ne vous assomme-je, Mère Ubu ? Ce n'est pas moi, Père Ubu. C'est un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, Père Ubu ? Vous êtes content de votre sort ? De par ma chandelle verte, merde, madame. Certes, oui, je suis content. On serait à moi, capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon. Que voulez-vous de mieux ? Comment ? Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de mener en revue une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne et celle d'Aragon. Ah, mère Ubu, je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu es si bête. De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant. Même en admettant qu'il meurt, n'a-t-il pas de légions d'enfants? Qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place? Ah, mère Ubu, vous me faites injure et vous allez passer tout à l'heure par la casserole. Pauvre malheureux, si je passais par la casserole, qui te raccommoderait tes fonds de culotte? Eh, vraiment? Et puis après, n'ai-je pas un cul comme les autres? À ta place, ce cul, je voudrais l'installer sur un trône. Tu pourras augmenter indéfiniment tes richesses, manger fort souvent de l'andouille et rouler carrosse par les rues. Si j'étais roi, je me ferais construire une grande capeline comme celle que j'avais en Aragon et que ces gredins d'Espagnols m'ont impudemment volée. Tu pourrais aussi te procurer un parapluie et un grand caban qui te tomberait sur les talons. Ah, je cède à la tentation, bougre de merde, merde de bougre. Si jamais je le rencontre au coin d'un bois, le vin se lasse, il passera un mauvais quart d'heure. Ah, bien, Belle Ubu, te voilà devenu un véritable homme. Ah non, moi, capitaine de dragon, massacrer le roi de Pologne, plutôt mourir. Oh, merde. Ainsi, tu vas rester gueux comme un rat, Belle Ubu. Ventre bleu, de par ma chandelle verte, j'aime mieux être gueux comme un maigre et brave rat que riche comme un méchant et gras chat. Et la capeline, et le parapluie, et le grand cabin. Eh ben après, mère Ubu. Frout. Merde. Il a été dur à la détente. Mais vrout, merde. Je crois pourtant l'avoir ébranlé. Grâce à Dieu et à moi-même, peut-être dans 8 jours, serai-je reine de Pologne. Scène 2. La scène représente une chambre de la maison du Père Ubu, où une table splendide est dressée. Nos invités sont bien en retard. Oui, de par ma chandelle verte. Ah, je crève de faim. Mère Ubu, t'es bien laide aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons du monde? Merde! Tiens, j'ai faim. Je vais mordre dans cet oiseau. C'est un poulet, je crois. Ah, il est pas mauvais, hein? Que fais-tu, malheureux? Comment jouerons nos invités? J'en aurons encore bien assez. Tu ne ferais plus à rien, Mère Ubu. Allons voir à la fenêtre si nos invités arrivent. Ah. Je ne vois rien. Pendant ce temps, le Père Ubu dérobe une rouelle de veau. Yopo. Ah! Voilà le capitaine Cornu et ses partisans qui arrivent. Mais comment je dis donc, Père Ubu? Rien, un peu de veau. Oh! Le veau! Le veau! Veau! Il a mangé le veau! Au secours! De par ma chandelle verte, je te fais arracher les yeux. La porte s'ouvre. Bonjour, messieurs. Nous vous attendons avec impatience. Asseyez-vous. Bonjour, madame. Mais où est donc le Père Ubu? Me voilà, sapristi. De par ma chandelle verte, je suis pourtant assez gros. Bonjour, Père Ubu. Asseyons-nous, mes hommes. Ouf! Oh là là! Un peu de plus, j'enfonçais ma chaise. Eh, Mère Ubu, que nous donnez-vous de bon aujourd'hui? Voici le menu. Ah, ceci m'intéresse. Soupe polonaise. Ah. Côte de restaurant. Ah. Veau. Oh. Poulet. Ah. Pâté de chien. Ah. Croupion de dinde. Ah. Charlotte russe. En voilà assez, je suppose. Y en a-t-il encore? Bombe. Ah! Salade. Oh. Fruits. Oh. Dessert. Ah. Bouillie. Ah. Topinambour. Ah. Chou-fleur à la merde. Me crois-tu empereur d'Orient pour faire de telles dépenses? Ne l'écoutez pas, il est imbécile. Ah, je vais aiguiser mes dents contre vos mollets, hein? Dîne plutôt, Père Ubu. Voilà de la polonaise. Bougre que c'est mauvais. Oh, ce n'est pas bon, en effet. Tas d'arabes, que vous faut-il? J'ai une idée. Je vais revenir tout à l'heure. Il s'en va. Messieurs, nous allons goûter du veau. Il est très bon. J'ai fini. Au croupion, maintenant. Exquis, exquis. Vive la mère Ubu. Vive la mère Ubu. Et vous allez bientôt crier « Vive le père Ubu !» Il tient un balai innommable à la main et le lance sur le festin. Oh, misérable, que fais-tu? Goûtez un peu. Plusieurs gouttes et tombe empoisonné. Mère Ubu, passe-moi les côtelettes de rastron que je serve. Les voici. À la porte, tout le monde! Capitaine Bordure, j'ai à vous parler. Nous n'avons pas dîné! Comment vous n'avez pas dîné? À la porte, tout le monde! Restez, Bordure. Personne ne bouge. Vous n'êtes pas parti? De par ma chandelle verte, je vais vous assommer de côtes de rastron! Merdre, à la porte! Je fais mon effet. Sans qui peut, misérable Père Ubu, traître et gueux, voyou! Ah, les voilà partis. Je respire, mais j'ai fort mal dîné. Venez, Bordure. Il s'en sortit avec la mère Ubu. Eh bien, capitaine, avez-vous bien dîné? Fort bien, monsieur, sauf la merde. Oh, la merde n'était pas mauvaise. Chacun son goût. Capitaine Bordure, je suis décidé à vous faire duc de Lituanie. Comment? Je vous croyais fort gueux, Père Ubu. Dans quelques jours, si vous voulez, je règne en Pologne. Vous allez tuer Venceslas? Il est pas bête, le bougre, il a deviné. S'il s'agit de tuer Venceslas, je suis son mortel ennemi et je réponds de mes hommes. Je vous aime beaucoup. Ah, Bordure! Vous empestez, Père Ubu! Vous ne vous lavez donc jamais? Rarement. Jamais! Je vais te marcher sur les pieds. Grosse merde! Allez, Bordure, j'en ai fini avec vous. Mais par ma chandelle verte, je jure sur la mère Ubu de vous faire duc de Lituanie! Mais... Tais-toi, ma douce enfant. Entre un messager. Monsieur, que voulez-vous? Fichez le camp, vous me fatiguez. Monsieur, vous êtes appelé de par le roi. Oh merde. Sors le messager. Jarny coton bleu, de par ma chandelle verte, je suis découvert. Je vais être décapité. Hélas. Quel amour. Elle t'impresse. J'ai une idée. Je dirais que c'est la mère Ubu et Bordure. Oh, gros pays, si tu fais ça. Et j'y vais de ce pas. Oh, Père Ubu. Père Ubu. Je te donnerai de l'andouille. Et merde, t'en es une fière d'andouille. Le palais du roi. Le roi Venceslas, entouré de ses officiers, Bordure, les fils du roi, Boleslas, Ladislas et Bougrelas. Puis Ubu qui entre. Vous savez, c'est pas moi, c'est la mère Ubu et Bordure. Qu'as-tu, Père Ubu? Il a trop bu. Comme moi ce matin. Oui, je suis saoul. Parce que j'ai bu trop de vin de France. Père Ubu, je tiens à récompenser tes nombreux services comme capitaine de dragon. Et je te fais aujourd'hui comte de Sandomir. Monsieur Venceslas, je ne sais comment vous remercier. Ne me remercie pas, Père Ubu. Et trouve-toi demain matin à la grande revue. J'y serai. Mais acceptez de grâce ce petit mirliton. Il présente au roi un mirliton. Que veux-tu à mon âge que je fasse de mirliton? Je le donnerai à Bougola. Est-il bête, ce Père Ubu? Et maintenant, je vais foutre le camp. Il tombe en se retournant. Au secours, de par ma chandelle verte. Je me suis rompu l'intestin et crevé la bousine. Père Ubu, vous êtes-vous fait mal? Ah oui, certes, et je vais sûrement crever. Que deviendra la mère Ubu? Nous pourvoirons à son entretien. Vous avez bien de la bonté de reste. Oui, mais roi Venceslas, tu n'en seras pas moins massacré. La maison d'Ubu, Giron, Pile, Cotis, Père Ubu, mère Ubu, conjurés et soldats, capitaine Bordure. Hé, mes bons amis, il est grand temps d'arrêter le plan de la conspiration. Que chacun donne son avis. Je vais d'abord donner le mien, si vous le permettez. Parlez, Père Ubu. Eh bien, mes amis, je suis d'avis d'empoisonner simplement le roi en lui fourrant de l'arsenic dans son déjeuner. Quand il voudra le brouter, il tombera mort, et ainsi je serai roi. Et quoi, ça ne vous plaît pas? Non. Alors, que Bordure donne son avis. Moi, je suis d'avis de lui ficher un grand coup d'épée qu'il fendra de la tête à la ceinture. Ah, oui. Voilà qui est noble et vaillant. Et s'il vous donne des coups de pied? Je me rappelle maintenant qu'il a pour les revues des souliers de fer qui font très mal. Si je savais, je filerais vous dénoncer pour me tirer de cette sale affaire et je pense qu'il me donnerait aussi de la monnaie. Oh, le traître, le lâche, le vilain, le plat ladre. Conspect, Père Ubu, Conspect, Père Ubu, conspect. Messieurs, tenez-vous tranquille. Quoi? Si vous ne voulez visiter mes poches. Enfin, je consens à m'exposer pour vous. De la sorte bordure, tu te charges de pourfendre le roi. Ne vaudrait-il pas mieux nous jeter tous à la fois sur lui en braillant et gueulant? Nous aurions la chance ainsi d'entraîner les troupes. Alors voilà, voilà. Je tâcherai de lui marcher sur les pieds. Il rejambera. Alors je lui dirai, merde. Et à signal, vous vous jetterez sur lui. Oui. Et dès qu'il sera mort, tu prendras son sceptre et sa couronne. Et je courrai avec mes hommes à la poursuite de la famille royale. Oui, et je te recommande spécialement le jeune bougre-là. Oh, messieurs, messieurs, nous avons oublié une cérémonie indispensable. Il faut jurer de nous escrimer vaillamment. Mais comment faire? Nous n'avons pas de prêtre. La mère Ubu va en tenir lieu. Et yes, what? Ainsi, vous jurez de bien tuer le roi? Oui, nous le jurons! Vive le père Ubu! Acte 2. Le palais du roi, Venceslas, la reine Rosemonde, Boleslas, Ladislas et Bougrelas. Monsieur Bougrelas, vous avez été ce matin fort impertinent avec monsieur Ubu, chevalier de mes ordres et comte de Sandomir. C'est pourquoi je vous défends de paraître à ma revue. Cependant, Venceslas, vous n'auriez pas trop de toute votre famille pour vous défendre. Madame, je ne reviens jamais sur ce que j'ai dit. Vous me fatiguez avec vos sornettes. Je me soumets, monsieur mon père. Enfin, sire, êtes-vous toujours décidé à aller à cette revue? Pourquoi non, madame? Mais encore une fois, ne l'ai-je pas vu en songe, vous frappant de sa masse d'armes et vous jetant dans la Vistule et un aigle comme celui qui figure dans les armes de Pologne, lui plaçant la couronne sur la tête? À qui? Au père Ubu! Quelle folie! Monsieur Ubu est un fort bon gentilhomme qui se ferait tirer à 4 chevaux pour mon service. Quelle erreur! Taisez-vous, jeune sagouin! Et vous, madame, pour vous prouver combien je crains un peu monsieur Ubu, je vais aller à la revue comme je suis. Sans armes et sans épée. Fatale imprudence, je ne vous reverrai pas vivant. Venez, Ladislas, venez, Boleslas. Que Dieu et le grand Saint-Nicolas vous gardent. Oh, Bougrelas, venez dans la chapelle avec moi prier pour votre père et vos frères. Le chant des revues. L'armée polonaise, le roi, Boleslas, Ladislas, Père Ubu, capitaine Bordure et ses hommes, Giron, Pile, Cotis. Noble Père Ubu, venez près de moi avec votre suite pour inspecter les troupes. Attention, vous autres. Oui. On y va, monsieur, on y va. Les hommes du but entourent le roi. Ah, voici le régiment des gardes à cheval de Danzig. Ils sont fort beaux, ma foi. Vous trouvez? Ils me paraissent misérables. Regardez celui-ci. Depuis combien de temps t'es-tu débarbouillé, ignoble drôle? Mais ce soldat est fort propre, qu'avez-vous donc, Père Ubu? Voilà. Il lui écrase le pied. Misérable. Merde! À moi, mes hommes! En avant! Oh, au secours! Sainte Vierge! Oh, je suis mort! Qu'est-ce cela? Dégainons! Ah, j'ai la couronne! Aux autres maintenant! Suis-je un traître? Suis-je un traître? À une fenêtre du palais, la reine est Bougrelas. Enfin, je commence à me rassurer. Vous n'avez aucun sujet de crainte? Une effroyable clameur se fait entendre au dehors. Mes deux frères poursuivis par le père Ubu et ses hommes. Oh mon Dieu! Sainte Vierge! Ils perdent du terrain! Toute l'armée suit le père Ubu! Le roi n'est plus là! Horreur! Oh, au secours! Oh, voilà Boleslas mort! Il a reçu une balle! Hé! Hé! Défends-toi! Hourra, Ladislas! Oh, il est entouré! Oh, c'en est fait de lui! Bordure vient de le couper en deux comme une saucisse! Oh, hélas! Ce furieux pénètre dans le palais! Il monte l'escalier! Mon Dieu, défendez-nous! Oh, ce perdu! Le coquin, le misérable! Si je le tenais... Bougre-là, que me veux-tu faire? Vive Dieu, je défendrai ma mère jusqu'à la mort! Le premier qui fait un pas est mort! Oh, Bordure, j'ai peur. Laissez-moi m'en aller. Rends-toi, Bougre-là! Tiens, voyou, voilà ton con! Il lui fend le crâne. Tiens bon, Bougre-là, tiens bon! Bougre-là! Nous te promettons la licence! Je la pense, sac à vin, sac à payer! Il fait le moulinet avec son épée et en fait un massacre. Ah, je vais bien en venir à bout tout de même. Mère, sauve-toi par l'escalier secret. Et toi, mon fils, et toi? Je te suis. Tâchez d'attraper la reine. Oh, la voilà partie. Quant à toi, misérable. Ah, vive Dieu, voilà ma vengeance. Il lui découle la bedouille d'un terrible coup d'épée. Mère, je te suis. Et Bougrelasse disparaît par l'escalier secret. Qui aboutit à une caverne dans les montagnes. Ici, ici, nous serons en sûreté. Oui, oui, je le crois. Bougrelasse, soutiens-moi. Oh, mais qu'as-tu, ma mère? Oh, je suis bien malade. Crois-moi, Bougrelasse. Je n'en ai plus que pour 2 heures à vivre. Quoi? Le froid t'aurait-il saisi? Oh, comment veux-tu que je résiste à tant de coups? Le roi massacré, notre famille détruite. Et toi, représentant de la plus noble race qui ait jamais porté l'épée, forcé de t'enfuir dans les montagnes comme un contrebandier. Et par qui, grand Dieu, par qui? Un vulgaire Péribu, aventurier, sorti on ne sait d'où, vil crapule, vagabond honteux. Et quand je pense que mon père l'a décoré et fait compte, et que le lendemain, ce vilain n'a pas eu honte de porter la main sur lui. Je me rappelle combien nous étions heureux avant l'arrivée de ce Père Ubu. Oh. Mais maintenant, hélas, tout est changé. Ouais. Que veux-tu? Attendons avec espérance et ne renonçons jamais à nos droits. Je te le souhaite, mon cher enfant. Mais pour moi, je ne verrai pas cet heureux jour. Hé! Hey. Hé! Hey. Mais qu'as-tu? Elle pâlit. Elle tombe. Au secours. Au secours. Oh. Oh, mais je suis seule dans un désert. Oh, mon Dieu. Son cœur n'est pas plus. Elle est morte. Est-ce possible? Oh. Encore une victime du Père Ubu. Il se cache la figure dans les mains et pleure. Oh. Oh, mon Dieu. Qu'il est triste de se voir à 14 ans avec une vengeance terrible à poursuivre. Il tombe en proie au plus violent désespoir. Pendant ce temps, les âmes de Venceslas, de Boleslas, de Ladislas, de Rosemonde entrent dans la grotte. Leurs ancêtres les accompagnent et remplissent la grotte. Le plus vieux s'approche de Bougrelas et le réveille doucement. Hein? Et que vois-je? Toute ma famille, mes ancêtres. Et par quel prodige? Apprends, Bougrelas, que j'ai été pendant ma vie le seigneur Mathias de Königsberg, le premier roi et le fondateur de la maison. Je te remets le soin de notre vengeance. Il lui donne une grande épée. Et que cette épée que je te donne n'est de repos que quand elle aura frappé de mort l'usurpateur. Tous disparaissent, et Bougrelas reste seul dans l'attitude de l'extase. Oh. Le palais du roi, Père Ubu, Mère Ubu, capitaine Bordure. Non! Je ne veux pas, moi! Voulez-vous me ruiner pour ces bouffres? Mais enfin, Père Ubu, ne voyez-vous pas que le peuple attend le don de joyeux avènement? Mais si tu ne fais pas distribuer des viandes et de l'or, tu seras renversé d'ici 2 heures. Des viandes, oui. De l'or, non. Abattez-moi 3 vieux chevaux, c'est bien bon pour de tels sagouins. Sagouin toi-même, qui m'a bâti un animal de cette sorte? Encore une fois, je veux m'enrichir. Ah. Je lâcherai pas un sou. Mais quand on a entre les mains tous les trésors de la Pologne! Ouais, je sais qu'il y a dans la chapelle un immense trésor, nous le distribuerons! Misérable! Si tu fais ça, je te... Mais Père Ubu, si tu ne fais pas de distribution, le peuple ne voudra pas payer les impôts! Ah, est-ce bien vrai? Oui, oui! Alors, je consens à tout. Réunissez 3 millions, cuisez 150 bœufs et moutons, d'autant plus que j'en aurai aussi. La cour du palais pleine de peuple. Père Ubu couronné, Mère Ubu, capitaine Bordure, larbin chargé de viande. Ouais. Tenez, voilà pour vous. Ça m'amuse guère de vous donner de l'argent, mais vous savez, c'est la mère Ubu qui a voulu. Au moins, promettez-moi de bien payer les impôts. Oui, oui. Voyez, Mère Ubu, s'ils se disputent cet or. Quelle bataille! Il est vrai que c'est horrible. Quoi? Un voilà une, quel crâne fendu! Quel beau spectacle! Amenez d'autres caisses d'or. Si nous faisions une course. Oui, c'est ça, c'est une idée. Mes amis, vous voyez cette caisse d'or? Elle contient 300 000 nobles à la rose en or, en monnaie polonaise et de bon aloi. Que ceux qui veulent courir se mettent au bout de la cour. Vous partirez quand j'agiterai mon mouchoir, et le premier arrivé aura la caisse. Quant à ceux qui ne gagneront pas, ils auront comme consolation cette autre caisse qu'on leur partagera. Oui, vive Père Ubu! Quel bon roi! On n'envoyait pas grand du temps de Venceslas! Écoute-les! Une, deux, trois. Y êtes-vous? Oui! Partez! Ils approchent! Le premier perd du terrain. Non, il regagne maintenant. Oh, il perd, c'est fini, c'est l'autre. Celui qui était le deuxième arrive le premier. Sire, je ne sais vraiment comment remercier votre majesté. Oh, mon cher ami, ce n'est rien. Emporte ta caisse chez toi, Michel. Et vous, partagez-vous cet or. Prenez une pièce chacun jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Vive Michel Fedorovitch! Vive Père Ubu! Et vous, mes amis, venez dîner. Je vous ouvre aujourd'hui les portes du palais. Veuillez faire honneur à ma table. Acte 3. Le palais, Père Ubu, Mère Ubu. De par ma chandelle verte, me voici roi de ce pays. Je me suis déjà flanqué une indigestion. On va m'apporter ma grande capeline. En quoi est-elle, Père Ubu? Car nous avons beau être roi, il faut être économe. Madame ma femelle, elle est en peau de mouton, avec une agrafe et des brides en peau de chien. Voilà qui est beau. Mais il est encore plus beau d'être roi. Oui, t'as eu raison, Mère Ubu. Nous avons une grande reconnaissance au duc de Lituanie. Qui donc? Eh, le capitaine Bordure. De grâce, Mère Ubu, ne me parle pas de ce bouffre. Maintenant que je n'ai plus besoin de lui, peut bien se brosser le ventre. Il aura point son duché. Tu as grand tort, Père Ubu. Il va se tourner contre toi. Oh, je le plains bien, ce petit homme. Je m'en soucie autant que de Bougrelat. Et crois-tu en avoir fini avec Bougrelat? Sobre à finance, évidemment. Que veux-tu qu'il me fasse, ce petit gamin de 14 ans? Père Ubu? Fais bien attention à ce que je te dis. Mmh. Crois-moi, tâche de t'attacher Bougrelat par tes bienfaits. Encore de l'argent à donner? Ah non! Du coup, vous m'avez fait gorger bien 22 millions. Fais à ta tête, Père Ubu, il t'en cuira. Eh ben, tu seras avec moi dans la marmite. Écoute encore une fois, je suis sûr que le jeune Bougrelat l'emportera, car il a pour lui le bon droit. Ah, saleté! Le mauvais droit vaut-il pas le bon? Tu m'as joli, Mère Ubu! Je vais te mettre en morceaux! La grande salle du palais. Père Ubu, Mère Ubu, officiers et soldats, girons, piles, cotises, nobles enchaînés, financiers, magistrats, greffiers. Apportez la caisse à noble, et le crochet à noble, et le couteau à noble, et le bouquin à noble. Ensuite, faites avancer les nobles. On pousse brutalement les nobles. De grâce, mais modère-toi, Père Ubu. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles et prendre leurs biens. Horreur! À nous, peuple et soldats! Amenez le premier noble et passez-moi le crochet, ta noble. Ceux qui seront condamnés à mort, je les passerai dans la trappe, tomberont dans les sous-sols du pince-port et de la chambre à sous, où on les décervellera. Qui es-tu, bouffre? Comte de Vitebsk. De combien sont intervenus? 3 millions de riksdal. Condamné. Il le prend avec le crochet et le passe dans le trou. Quelle basse férocité! Second noble. Qui es-tu? Le noble ne répond rien. Répondras-tu, bouffre? Grand duc de Posen. Excellent, excellent! Je n'en demande pas plus long. Dans la trappe. Troisième noble. Qui es-tu? T'as une sale tête. Duc de Courland, et des villes de Riga, de Revel et de Mito. Oh, très bien, très bien. T'as rien autre chose? Rien. Dans la trappe, alors. Quatrième noble. Qui es-tu? Prince de Podolie. Quels sont tes revenus? Je suis ruiné. Pour cette mauvaise parole, passe dans la trappe. cinquième noble. Qui es-tu? Margrave de Thorn, palatin de Pollock. Oh, c'est pas lourd, t'as rien autre chose? Cela me suffisait. Ah ben, mieux vaut peu que rien. Dans la trappe. Oh. Qu'as-tu à pigner, Mérubu? Oh, mais tu es trop féroce, Mérubu. Et je m'enrichis. Je vais me faire lire ma liste de mes biens. Garifiez, lisez ma liste de mes biens. Comté de Sandomir. Commence par les principautés, stupide bougre. Principauté de Podoli, grand-duché de Posen, duché de Courlande, comté de Sandomir, comté de Vitebsk, palatinat de Pollock, margravia de Thorn. Et puis après? C'est tout. Comment c'est tout? Ah ben alors, en avant les nobles! Et comme je ne finirai jamais de m'enrichir, je vais faire exécuter tous les nobles. Et ainsi j'aurai tous les biens vacants. Allez, passez les nobles dans les trappes! Et on empile les nobles dans la trappe. Dépêchez-vous! Plus vite! Je veux faire des lois maintenant. On va voir ça! Je vais d'abord réformer la justice. Après quoi, nous procéderons aux finances. Nous nous opposons à tout changement! Merde! D'abord, les magistrats ne seront plus payés. Et de quoi vivrons-nous? Nous sommes pauvres! Vous aurez les amendes que vous prononcerez et les biens des condamnés à mort. Horreur! Infamie! Scandale! Indignité! Nous refusons à juger dans des conditions pareilles! À la trappe, les magistrats! Ils se débattent en vain. Et que fais-tu, Péribu? Qui rendra maintenant la justice? Tiens, moi? Tu verras comme ça marchera bien. Oui, mais ce sera du propre. Allons, tais-toi, bouffresque. Nous allons maintenant, messieurs, procéder aux finances. Il n'y a rien à changer! Comment? Je veux tout changer, moi! D'abord, je veux garder pour moi la moitié des impôts. Pas gêné! Messieurs, nous établirons un impôt de 10% sur la propriété, un autre sur le commerce et l'industrie, et un troisième sur les mariages, et un quatrième sur les décès, de 15 francs chacun! Oh, c'est idiot, Père Ubu! C'est absurde! Ça n'a ni queue ni tête! Vous vous fichez de moi? Dans la trappe, les financiers! Et on enfonce les financiers. Mais enfin, Père Ubu, quel roi tu fais? Mais tu massacres tout le monde! Et merde! Oh, plus de justice, plus de finances! Ne crains rien, ma douce enfant. J'irai moi-même de village en village recueillir les impôts. Une maison de paysans dans les environs de Varsovie. Plusieurs paysans sont assemblés. Apprenez la grande nouvelle! Le roi est mort. Les ducs aussi et le jeune bougre-là s'est sauvé avec sa mère dans les montagnes. De plus, le père Ubu s'est emparé du trône. Oh, bah j'en sais pas d'autre. Je viens de Cracovie où j'ai vu emporter les corps de plus de 300 nobles et de 500 magistrats qu'on a tués. Et il paraît qu'on va doubler les impôts et que le père Ubu viendra les ramasser lui-même. Grand Dieu, qu'allons-nous devenir? Le père Ubu est un affreux sagouin et sa famille est dit-on abominable. Écoutez! Dirait-on pas qu'on frappe à la porte? Corne ginouille! Ouvrez de par ma merde! Par Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Nicolas! Ouvrez! Sabre à finance, corne finance! Je viens chercher les impôts! La porte est défoncée. Ubu pénètre suivi d'une légion de grippe-sous. Qui de vous est le plus vieux? Comment te nommes-tu? Stanislas Leczinski. Eh ben, corne ginouille, écoute-moi bien. Sinon, ces messieurs te couperont les oreilles. Mais vas-tu m'écouter, enfin? Mais votre excellence n'a encore rien dit. Comment je parle depuis une heure? Crois-tu que je viens ici pour prêcher dans le désert? Loin de moi cette pensée. Je viens donc te dire, t'ordonner et te signifier que tu es à produire et exhiber promptement ta finance, sinon tu seras massacré. Allons, mes seigneurs, les salopins de finance, voiturez ici le voiturin à finance. Et on apporte le voiturin. Sire, nous nous sommes inscrits sur le risque pour 152 riksdals que nous avons déjà payés. Il y aura tantôt 6 semaines à la Saint-Mathieu. C'est fort possible, mais j'ai changé de gouvernement. Et j'ai fait mettre dans le journal qu'on paierait 2 fois tous les impôts et 3 fois ceux qui pourront être désignés ultérieurement. Avec ce système, j'aurais vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m'en irai. Monsieur de grâce, ayez pitié de nous! Nous sommes de pauvres citoyens. Je m'en fiche. Payez. Nous ne pouvons. Nous avons payé. Payez, ou je vous mets dans ma poche avec supplice et décollation du cou et de la tête. Corne ginouille, je suis le roi peut-être. Ah, c'est ainsi. Aux armes. Vive Bougre-là. messieurs les finances, faites votre devoir. La maison est détruite et le vieux Stanislas s'enfuit seul à travers la plaine. Ubu reste à ramasser la finance. Une casemate des fortifications de Thorn, bordure enchaînée, Père Ubu. Ah, citoyen, voilà ce que c'est. T'as voulu que je te paye ce que je te devais, alors tu t'es révolté parce que je n'ai pas voulu, t'as conspiré et te voilà coffré. Corne finance, c'est bien fait. Et le tour est si bien joué que tu dois toi-même le trouver fort à ton goût. Prenez garde, Père Ubu, depuis 5 jours que vous êtes roi, vous avez commis plus de meurtres qu'il en faudrait pour damner tous les saints du paradis. Le sang du roi et des nobles crient vengeance et ces cris seront entendus. Eh, hey, mon bel ami, vous avez la langue fort bien pendue. Je ne doute pas que si vous vous échappiez, il en pourrait résulter des complications. Mais je ne crois pas que les casemates de Thorn aient jamais lâché quelqu'un des honnêtes garçons qu'on leur avait confiés. C'est pourquoi, bonne nuit. Et je vous invite à dormir sur les deux oreilles, bien que les rats dansent ici une belle sarabande. Et il sort. Les larbins viennent verrouiller toutes les portes. Le palais de Moscou. L'empereur Alexis et sa cour, bordure. C'est vous, infâme aventurier, qui avez coopéré à la mort de notre cousin Venceslas ? Sire, pardonnez-moi, j'ai été entraîné malgré moi par le père Ubu. Oh, l'affront-menteur ! Enfin, que désirez-vous ? Le père Ubu m'a fait emprisonner sous prétexte de conspiration. Je suis parvenu à m'échapper et j'ai couru 5 jours et 5 nuits à cheval à travers les steppes pour venir implorer votre gracieuse miséricorde. Que me portes-tu comme gage de ta soumission ? Mon épée d'aventurier et un plan détaillé de la ville de Thorn. Je prends l'épée, mais par Saint-Georges, brûlez ce plan ! Je ne veux pas devoir ma victoire à une trahison ! Un des fils de Venceslas, le jeune bougre-las, est encore vivant. Je ferai tout pour le rétablir. Quel grade avais-tu dans l'armée polonaise ? Je commandais le 5e régiment des dragons de Vilna et une compagnie franche au service du père Ubu. C'est bien. Je te nomme sous-lieutenant au 10e régiment de Cosaques. Et gare-toi si tu trahis ! Si tu te bats bien, tu seras récompensé. Ce n'est pas le courage qui me manque, si... C'est bien. Disparais de ma présence. La salle du conseil d'Ubu. Père Ubu, Mère Ubu, conseiller de finances. Messieurs, la séance est ouverte et tâchez de bien écouter et de vous tenir tranquille. D'abord, nous allons faire le chapitre des finances. Ensuite, nous parlerons d'un petit système que j'ai imaginé pour faire venir le beau temps et conjurer la pluie. Fort bien, monsieur Ubu. Quel sotane ! Madame de ma merde, garde à vous, car je ne souffrirai vos sottises. Oh. Je vous dirai donc, messieurs, que les finances vont passablement. Un nombre considérable de chiens à bas de laine se répand chaque matin dans les rues et les salopins font merveille. De tous côtés, on ne voit que des maisons brûlées et des gens pliant sous le poids de nos finances. Et les nouveaux impôts, monsieur Ubu, vont-ils bien? Point du tout. L'impôt sur les mariages n'a encore produit que 11 sous et encore le père Ubu poursuit les gens partout pour les forcer à se marier. Sabre à finance, corne de ma ginouille, madame la financière. J'ai des oreilles pour parler et vous une bouche pour m'entendre. Non. Plutôt, non. Vous me faites tromper. Vous êtes cause que je suis bête. Mes cornes du but. Un messager entre. Allons, bon. Y a-t-il encore celui-là? Va-t'en, sagouin, ou je te poche avec décollation et torsion des jambes. Oh, le voilà dehors. Mais il y a une lettre. Lila. Je crois que je perds l'esprit ou que je ne sais pas lire. Dépêche-toi, bouffresque. Ça doit être de bordure. Tout justement. Il dit que le czar l'accueillit très bien, qu'il va envahir tes états pour rétablir Bougrela, et que toi, tu seras tué. Oh, mais j'ai peur. Je pense mourir. Pauvre homme que je suis. Que devenir grand Dieu? Ce méchant homme va me tuer. Saint-Antoine, tous les saints, protégez-moi. Moi, je vous donnerai de la finance, puis je brûlerai des cierges, hein, pour vous. Seigneur, que devenir? Moi, je vais pas. Il n'y a qu'un parti à prendre, Père Ubu. Oh, lequel, mon amour? La guerre, hein? Vive Dieu! Voilà qui est noble! Oui, puis je recevrai encore des coups. Courons, organiser l'armée! Et réunir les villes! Et préparer l'artillerie et les forteresses! Et prendre l'argent pour les troupes! Ah non, par exemple, non! Je vais te tuer, toi, hein! Je veux pas donner d'argent. En voilà d'une autre. J'étais payé pour faire la guerre, et maintenant il faut la faire à mes dépens. Non! De par ma chandelle verte, faisons la guerre, puisque vous en êtes enragé, mais ne déboursons pas un sou. Vive la guerre! Le camp sous Varsovie. Vive la Pologne! Vive le Père Ubu! Ah, Père Ubu, donne-moi ma cuirasse et mon petit bout de bois. Je vais être bientôt tellement chargé que je saurais marcher si j'étais poursuivi. Fi, le lâche! Allons, voilà le sabre à merde qui sauve et le croc à finance qui tient pas. Allons, en finirai jamais, moi. Les Russes qui avancent, puis vont me tuer. Seigneur Ubu, voilà le ciseau à Oneil qui tombe. J'ai tout tué au moyen du croc à merde et du couteau à figure, hein? Comme il est beau avec son casque et sa cuirasse. On dirait une citrouille armée. Ah, maintenant je vais monter à cheval. Amenez, messieurs, le cheval à finance. Père Ubu, ton cheval ne serait plus de portée. Il n'a rien mangé depuis 5 jours. Il est presque mort. Elle est bonne, celle-là. On me fait payer 12 sous par jour pour cette rosse et elle ne peut me porter. Vous vous fichez, corne du but. Ou bien si vous me volez, hein? Oh! Ah. La mère Ubu rougit et baisse les yeux. Alors que l'on m'apporte une autre bête. Mais je n'irai pas à pied, corne gidouille. On amène un énorme cheval. Ah, je vais monter dessus, ou assis plutôt, car je vais tomber. Hey, oh, arrêtez! Arrêtez, arrêtez, ma bête! Grand Dieu, je vais tomber et être mordu! Il est vraiment imbécile! Hein? Le voilà relevé, mais il est tombé par terre. Hein? Oh, corne physique, moi, je suis à moitié mort. Mais c'est égal. Je pars en guerre et je tuerai tout le monde. Gare à qui ne marchera pas droit. Gilon met dans ma poche avec torsion du nez et des dents et extraction de la langue. Bonne chance, monsieur Ubu. J'oubliais de te dire que je te confie la régence. Mais j'ai sur moi le livre des finances. Tant pis pour toi si tu me voles. Je te laisse pour t'aider le palotin Giron. Adieu, mère Ubu. Adieu, père Ubu. Tu es bien le tsar, hein? Pour sûr. Torsion du nez et des dents, extraction de la langue et enfoncement du petit bout de bois dans les oreilles. L'armée s'éloigne au bruit des fanfares. Maintenant que ce gros pantin est parti, tâchons de faire nos affaires. Tu es Bougrela et nous emparer du trésor. Acte 4. La crypte des anciens rois de Pologne dans la cathédrale de Varsovie. Où donc est ce trésor? Aucune dalle ne sonne creux. J'ai pourtant bien compté 13 pierres après le tombeau de Ladislas le Grand, en allant le long du mur, et il n'y a rien. Il faut qu'on m'ait trompé. Ah! Ah! Voilà cependant. Ici, la pierre sonne creux. À l'œuvre, Mère Ubu. Courage! Décelons cette pierre. Oh, elle tient bon, hein? Prenons ce bout de croc à finance qui fera encore son office. Voilà! Oh! Voilà l'or au milieu des ossements des rois. Dans notre sac, alors! Tout! Hein? Quel est ce bruit? Dans ces vieilles voûtes, y aurait-il encore des vivants? Ah oh, non, ce n'est rien, hein? Allez, attendons, prenons tout. Cet argent sera mieux à la face du jour qu'au milieu des tombeaux des anciens princes. Remettons la pierre. Hein? Hein? Quoi? Toujours ce bruit? Ma présence en ces lieux me cause une étrange frayeur. Je prendrai le reste de cet or une autre fois. Je reviendrai demain. Jamais! Mère Ubu! Et la mère Ubu se sauve affolée, emportant l'or volé par la porte secrète. La place de Varsovie, Bougrela et ses partisans, peuple et soldats. En avant, mes amis! Oh! Vive Venceslas et la Pologne! Ce vieux gredin de Père Ubu est parti, il ne reste plus que la sorcière de Mère Ubu avec son palotin. Je m'offre à marcher à votre tête et à rétablir la race de mes pères. Vive Bougrela! Et nous supprimerons tous les impôts établis par l'affreux Père Ubu. Ouah! En avant! Courons au palais et massacrons cette engeance! Hé! Hé! Voilà la mère Ubu qui sort avec ses gardes sur le perron! Que voulez-vous, messieurs? Oh! C'est Bougrela! La foule lance des pierres. Tous les carreaux sont cassés! Ah, Saint-Georges, me voilà assommé! Corne bleue, je meurs! Lancez des pierres, mes amis! Oh, c'est ainsi! Le palotin Giron dégaine et se précipite, faisant un carnage épouvantable. À nous deux! Aïe, Défends-toi, lâche, reste-là. Je suis mort. Victoire, mes amis. Sus à la mer Ubu. Tiens, on entend des trompettes. Ah, voilà les nobles qui arrivent. Courons, attrapons la mauvaise harpie. En attendant que nous étranglions le vieux bandit. La mer Ubu se sauve, poursuivie par tous les Polonais, coup de fusil et grêle de pierre. L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine. Corne bleue, jambe Dieu, tête de vache. Ah, nous allons périr. Nous mourons de soif, nous sommes fatigués. Sire soldat, ayez l'obligeance de porter notre casque à finance. Et vous, la sire lancier, chargez-vous du ciseau à merdre et du bâton à physique pour soulager notre personne, car, je le répète, nous sommes fatigués. Monsieur, il est étonnant que les Russes n'apparaissent point. Il est regrettable que l'état de nos finances ne nous permette pas d'avoir une voiture à notre taille. Car par crainte de démolir notre monture, nous avons fait tout le chemin à pied, traînant notre cheval par la bride. Mais quand nous serons de retour en Pologne, nous imaginerons, au moyen de notre science en physique et aidés des lumières de nos conseillers, une voiture à vent pour transporter toute l'armée. Voilà Nicolas Renski qui se précipite. Ah, mais qu'a-t-il, ce garçon? Tout est perdu, sire. Hein? Les Polonais sont révoltés. Giron est tué. Quoi? Et la mère Ubu est en fuite dans les montagnes. Oiseau de nuit, bête de malheur, hibou à guêtre. Où as-tu pêché ces sornettes? En voilà d'une autre. Et qui a fait ça? Bougrelâche, Paris, d'où viens-tu? De Varsovie, noble seigneur. Garçon de ma merde, si je t'en croyais, je ferais brousser chemin à toute l'armée. Mais seigneur garçon, il y a sur tes épaules plus de plumes que de cervelle, et tu as rêvé des sottises. Va aux avant-postes, mon garçon. Les Russes sont pas loin, nous aurons bientôt estocadé de nos armes, tant à merde qu'à finance et à physique. Père Ubu, ne voyez-vous pas dans la plaine les Russes? Hein? C'est vrai, général. Les Russes, me v'là joli. Ah, si encore il y avait un moyen de s'en aller, mais pas du tout. Nous sommes sur une hauteur, ils seront en but à tous leurs coups, hein? Les Russes! L'ennemi! Allons, allons, messieurs, messieurs, messieurs, prenons nos dispositions pour la bataille, quoi. Nous allons rester sur la colline. Hein? Ne commettrons point la sottise de descendre en bas. Je me tiendrai au milieu, comme une citadelle vivante, et vous autres, vous graviterez autour de moi. J'ai à vous recommander de mettre dans les fusils autant de balles qu'ils en pourront tenir, car 8 balles peuvent tuer 8 Russes, et c'est autant que j'aurai pas sur le dos. Nous mettrons les fantassins à pied au bas de la colline pour recevoir les Russes et les tuer un peu, un peu. Les cavaliers derrière pour se jeter dans la confusion. Puis l'artillerie, ben, autour du moulin avant, ici présent, pour tirer dans le temps. Hein? Hein? Hein? On fera ça. Quant à nous nous tiendrons dans le moulin avant. Hein? Nous tirerons avec le pistolet à finance par la fenêtre. En travers de la porte, nous placerons le bâton à physique. Et si quelqu'un essaye d'entrer, gare au croc à merdre. Vos ordres, Sire Ubu, seront exécutés. Cela va bien. Nous serons vainqueurs. Hein? Quelle heure est-il? 11h du matin. Alors nous allons dîner, car les Russes n'attaqueront pas avant midi. Dites aux soldats, seigneur général, de faire leurs besoins et d'entonner la chanson à finance. Vive Père Ubu, notre grand financier. Ting, ting, ting. Ting! Ting, ting, ting! Ta-ting! Ouah! Oh, les braves gens. Je les adore. Un boulet russe arrive et casse l'aile du moulin. Oh! Oh! J'ai peur, sire Dieu! Je suis mort! Non, j'ai rien. Les mêmes, un capitaine, puis l'armée russe. Sire Ubu, les Russes attaquent! Et après, que veux-tu que j'y fasse, hein? Pas moi qui leur ai dit. Cependant, messieurs des finances, préparons-nous au combat. Hein? Un second boulet. Oh, j'y tiens un peu, moi, ici. Il pleut du plomb et du fer. Nous pourrions endommager notre précieuse personne. Descendons, hein? Tous descendent, au pas de course. La bataille vient de s'engager. Ils disparaissent dans des torrents de fumée au pied de la colline. Un Russe le frappe. Pour Dieu, le tsar! Ah! Je suis mort! En avant! Ah! Toi, monsieur, que je t'attrape, hein? Tu m'as fait mal, t'entends? Sac à vin, avec ton flingot qui part pas. Oh, voyez-vous ça? Il lui tire un coup de revolver. Oh! Je suis blessé, je suis troué, je suis perforé, je suis administré, je suis enterré. Ah, mais tout de même, je le tiens, je le tiens. Il le déchire. Tiens, recommenceras-tu maintenant, hein? En avant, poussons vigoureusement, passons le fossé, la victoire est à nous. Tu crois? Jusqu'ici, je sens sur mon front plus de bosse que de laurier. Hurrah! Place au tsar! Le tsar arrive, accompagné de bordures déguisées. Oh, seigneur! Sauf qui peut! Voilà le tsar! Ah, mon Dieu, il passe le fossé! Pif, paf! En voilà quatre d'assommés par ce grand bougre de lieutenant. Ah, vous n'avez pas fini, vous autres. Tiens, Jean Sobieski, voilà ton compte. Il l'assomme. À d'autres maintenant. Il fait un massacre de Polonais. En avant, mes amis. Attrapez ce bel hydre. On compote les moscovites. La victoire est à nous. Vive l'aigle rouge. En avant. Hurrah. Jean-Brieu. Attrapez le grand bougre. Par Saint-Georges, je suis tombé. Ah. Oh. C'est toi, Bordure. Ah, mon ami. Nous sommes bien heureux, ainsi que toute la compagnie, de te retrouver. Je vais te faire cuire à petit feu. Messieurs des finances, allumez du feu. Oui. Oh, ah, je suis mort. C'est au moins un coup de canon que j'ai reçu, là. Oh, mon Dieu, pardonnez-moi mes péchés. Oui, c'est bien un coup de canon. C'est un coup de pistolet chargé à poudre. Ah, tu te moques de moi, encore. À la poche. Il se rue sur lui et le déchire. Père Ubu, nous avançons partout. Je le vois bien. J'en peux plus. Je suis criblé de coups de pied, moi. Je voudrais m'asseoir par terre. Oh, ma bouteille. Allez prendre celle du Xar, Père Ubu. Mais ben, j'y vais de ce pas, tiens. Allons. Sabre à merdre, fais ton office. Et toi, croc à finance, reste pas en arrière. Que le bâton à physique travaille d'une généreuse émulation et partage avec le petit bout de bois l'honneur de massacrer, creuser et exploiter l'empereur moscovite. En avant, monsieur notre cheval, à finance. Il se rue sur le Xar. En garde, majesté! Tiens-toi! Oh. Ah! Aïe. Tout de même. Oh, monsieur, pardon, laissez-moi tranquille. Mais j'ai pas fait exprès, allons. Il se sauve, le Tsar le poursuit. Sainte Vierge, cet enragé me poursuit, qu'ai-je fait, grand Dieu? Ah bon, il a encore le fossé à repasser. Ah, je le sens derrière moi, le fossé devant. Courage, allez, fermons les yeux. Il saute le fossé, le Tsar y tombe. Bon, je suis dedans. Hurrah! Le Tsar est en bas! Ah, j'ose à peine me retourner. Il est dedans. Ah, c'est bien fait. J'en y tape dessus. Allons, Polonais, allez-y, à tour de bras. Il a bon dos, le misérable. J'ose pas le regarder. Cependant, notre prédiction s'est complètement réalisée. Le bâton à physique a fait merveille. Et nul doute que je ne l'eusse complètement tué si une inexplicable terreur n'était venue combattre et annuler en nous les effets de notre courage. Mais nous avons dû soudainement tourner casaque et nous n'avons dû notre salut qu'à notre habileté comme cavalier ainsi qu'à la solidité des jarrets de notre cheval à finance, dont la rapidité n'a d'égal que la solidité et dont la légèreté fait la célébrité, ainsi qu'à la profondeur du fossé qui s'est trouvé fort à propos sous les pas de l'ennemi de nous, d'ici présent maître des finances. Tout ceci est fort beau, mais personne ne m'écoute. Allons, bon, ça recommence. Les dragons russes font une charge et délivrent le Tsar. Cette fois, c'est la débandade. Ah! Voici l'occasion de se tirer des pieds. Or donc, messieurs les Polonais, en avant, ou plutôt en arrière. Sauf qui peut! Allons, en route! Quel tas de gens, quelle fuite, quelle multitude. Comment me tirer de ce gâchis? Il est bousculé. Ah, mais toi, fais attention ou tu vas expérimenter la bouillante valeur du maître des finances. Ah, il est parti. Sauvons-nous et vivement pendant que l'assis ne nous voit pas. Et il sort. Ensuite, on voit passer le Tsar et l'armée russe poursuivant les Polonais. Une caverne en Lituanie. Il neige. Père Ubu pile Cotis. Ah là là, le chien de temps! Il gèle la pierre fendre et la personne du maître des finances s'en trouve fort endommagée. Monsieur Ubu, êtes-vous remis de votre terreur et de votre fuite? Oui, j'ai plus peur. Et j'ai encore de la fuite. Quel pourceau! Sire Cotis, votre oneille, comment va-t-elle? Hein? Aussi bien, monsieur, qu'elle peut aller, tout en allant très mal. Par conséquent de quoi, le plomb la penche vers la terre et je n'ai pu extraire la balle. Tiens, c'est bien fait. Toi aussi, tu voulais toujours taper les autres. Moi, j'ai déployé la plus grande valeur. Sans m'exposer, j'ai massacré 4 ennemis de ma propre main. Sans compter tous ceux qui étaient déjà morts et que nous avons achevés. Savez-vous, pile, ce qu'est devenu le petit Rinsky? Il a reçu une balle dans la tête. Ah. Ainsi que le coquelicot et le pissenlit à la fleur de leur âge sont fauchés par l'impitoyable faucheur qui fauche impitoyablement leur pitoyable binette. Ainsi, le petit Rinsky a fait le coquelicot. Il s'est fort bien battu, cependant. Brrr. Mais aussi, il y avait trop de Russes. Hein. Oh, monsieur! Qu'est-ce? Armons-nous de nos lumelles? Ah non, par exemple, encore des Russes, je parie. J'en ai assez, moi. Puis c'est bien simple, s'ils m'attrapent, j'y l'en fous à la poche. Les mêmes entre un ours. Monsieur des finances. Tiens, regardez le petit toutou. Les gentils, ma foi, hein? Prenez garde. Oh, quel énorme ours! Mes cartouches. Un ours? Oh, l'atroce bête! Oh, pauvre homme! Me voilà manger! Que Dieu me protège! Il vient sur moi! Non! Non, c'est Cotis qui l'attrape. Ah, je respire. L'ours se jette sur Cotis. Pile l'attaque à coups de couteau. Ubu se réfugie sur un rocher. À moi, pile à moi! Au secours, monsieur Ubu! Bernic, débrouille-toi, mon ami! Pour le moment, nous faisons notre paternoster. Chacun son tour d'être mangé. Je l'ai, je le tiens! Ferme, ami! Il commence à me lâcher! Sanctifie cet urnomen, tu hommes! Lâche, bougre! Ah! Il me meurt! Oh Seigneur, sauvons-nous, je suis mort! Fiat voluntas tua! J'ai réussi à le blesser! Hurrah! Il perd son sang! Au milieu des cris des palotins, l'ours beugle de douleur et Ubu continue à marmotter. Tiens, le ferme, que j'attrape mon coup de poing explosif! Panem nostrum quotidianum, anabis adieum. L'as-tu enfin, je n'en peux plus! Secut et nos dimitimus de dimitoribus nostris. Ah! Je l'ai! Une explosion retentit et l'ours tombe mort. Victoire! Amalo, amen. Es-tu bien mort? Puis-je descendre de mon rocher? Tant que vous voudrez. Vous pouvez vous flatter que si vous êtes encore vivant et si vous foulez encore la neige de Lituanie, vous le devez à la vertu magnanime du maître des finances qui s'est évertué, échiné et égosillé à débiter des patenôtres pour votre salut et qui a manié avec autant de courage le glaive spirituel de la prière que vous avez manié avec adresse le temporel de l'ici présent palotin cotise coup de poing explosif. Nous avons même poussé plus loin notre dévouement car nous n'avons pas hésité à monter sur un rocher plus fort pour que nos prières et moins loin à arriver au ciel. Révoltante bourrique. Voici une grosse bête. Grâce à moi, vous avez de quoi souper. Hein? Quel ventre, messieurs. Les Grecs y auraient été plus à l'aise que dans le cheval de bois. Et peu s'en est fallu, chers amis, que nous n'ayons pu aller vérifier de nos propres yeux sa capacité intérieure. Je meurs de faim. Que manger? L'ours? Mes pauvres gens, allez-vous le manger tout cru? Nous n'avons rien pour faire du feu. N'avons-nous pas nos pierres à fusil? Ben, c'est vrai, c'est vrai. Puis il me semble que voilà, non loin d'ici, un petit bois, il doit y avoir des branches sèches. Va en chercher, Sir Cotis. Et maintenant, Sir Ubu, allez dépecer l'ours. Ah non, non, il est peut-être pas mort. Tandis que toi, qui es déjà à moitié mangé et mordu de toutes parts, c'est tout à fait ton rôle. Je vais allumer du feu en attendant qu'il apporte du bois. Puis il commence à dépecer l'ours. Oh! Prends garde, il a bougé! Mais Sir Ubu, il est déjà froid. C'est dommage, il aurait mieux valu le manger chaud. Ce qui va procurer une indigestion au maître des finances. C'est révoltant. Aidez-nous un peu, monsieur Ubu. Je ne puis faire toute la besogne. Non, moi je veux rien faire. Je suis fatigué, bien sûr. Ah, quelle neige, mes amis. On se dirait en Castille ou au pôle Nord. Ah, la nuit commence à tomber. Dans une heure, il fera noir. Hâtons-nous pour voir encore clair. Oui, entendu, Pile. Hâtons-nous. Hâtez-vous, tous les deux. Embrochez la bête. Cuisez la bête, j'ai faim, moi. Oh, c'est trop fort à la fin. Il faudrait travailler ou bien tu n'auras rien, entends-tu, goinfre? Non, mais t'égales. Fais-moi autant le manger tout cru. C'est vous qui serez bien attrapé. Et puis j'ai sommeil, moi. Que voulez-vous, Pile? Faisons le dîner tout seul, il n'en aura pas, voilà tout. Ou bien on pourra lui donner les os. C'est bien. Ah, voilà le feu qui flambe. Ah, c'est bon, ça fait chaud maintenant. Hein. Mais je vois des Russes partout. Oh, quelle fuite. Grand Dieu. Et il tombe endormi. Je voudrais savoir si ce que disait Renski est vrai, si la mère Ubu est vraiment détrônée. Ça n'aurait rien d'impossible. Finissons de faire le souper. Non. Nous avons à parler de choses plus importantes. Je pense qu'il serait bon de nous enquérir de la véracité de ces nouvelles. C'est vrai. Faut-il abandonner le père Ubu ou rester avec lui? La nuit porte conseil. Dormons, nous verrons demain ce qu'il faut faire. Non, il vaut mieux profiter de la nuit pour nous en aller. Partons! Alors. Ubu parle en dormant. Sir Dragon Russe, faites attention. Tirez pas par ici, il y a du monde. Voilà, bordure. Qu'il est mauvais. On dirait un ours et bougre-là qui vient sur moi. L'ours! L'ours! Et voilà! Ah bah, qu'il est dur, grand Dieu! Je veux rien faire, moi! Va-t'en, bougre là! Entends-tu, drôle? Voilà, Renski maintenant, le czar. Oh, ils vont me battre! L'arbu! Où as-tu pris tout cet or? Tu m'as pris, mon or misérable. Tu as été farfouillé dans mon tombeau qui est dans la cathédrale de Varsovie, près de la lune. Je suis mort depuis longtemps, moi. C'est Bougre-là qui m'a tué et je suis enterré à Varsovie près de Ladislas le Grand, et aussi à Cracovie près de Jean Sigismond, et aussi à Thorn dans la casemate avec bordure. Le voilà encore. Va-t'en, va-t'en. Oh, maudit ours. Il ressemble à bordure. Entends-tu, bête de Satan? Non, l'entends pas. Les salopins lui ont coupé les oreilles. Desserve-les, tue-les, coupez les oreilles. Arrachez les finances et buvez jusqu'à la mort. C'est la vie des salopins. C'est le bonheur du maître des finances. Acte 5, il fait nuit. Le père Ubu dort, entre la mère Ubu sans le voir. L'obscurité est complète. Enfin, me voilà à l'abri. Je suis seul ici. C'est pas dommage. Mais quelle course effrénée! Traverser toute la Pologne en 4 jours. Oh, tous les malheurs m'ont assailli à la fois. Aussitôt partie cette grosse bourrique, je vais à la crypte m'enrichir. Bientôt après, je manque d'être lapidé par ce bougre-là et ses enragés. Je perds mon cavalier, le palotin Giron, qui était si amoureux de mes altrets qu'il se pâmait d'aise en me voyant, et même m'a-t-on assuré en ne me voyant pas. C'est qu'est le comble de la tendresse. Il se serait fait couper en 2 pour moi, le pauvre garçon. La preuve, c'est qu'il a été coupé en 4 par Bougrelas. Pif, paf, pain. Oh, je pense mourir. Ensuite, je prends la fuite, poursuivi par la foule en fureur. Je quitte le palais, j'arrive à la Vistule, tous les poètes gardés. Je passe le fleuve à la nage, espérant ainsi lasser mes persécuteurs. De tous côtés, la noblesse rassemble et me poursuit. Je manque 1000 fois périr, étouffé dans un cercle de Polonais acharnés à me perdre. Enfin, j'ai trompé leur fureur, et après 4 jours de course dans la neige de ce qui fut mon royaume, j'arrive me réfugier ici. Je n'ai bu ni mangé ces 4 jours. Bourrelas me serait de près, hein? Enfin, me voilà sauvée. Oh, je suis morte de fatigue et de froid. Mais je voudrais bien savoir ce qu'est devenu mon gros polichinelle. Je veux dire, mon très respectable époux. Oh, lui en ai-je pris la finance. Oh, lui en ai-je volé des Riksdal. Lui en ai-je tiré des carottes. Oh, et son cheval à finance qui mourait de faim. Oh, il ne voyait pas souvent d'avoine, le pauvre diable. Oh, oh, la bonne histoire. Mais hélas, j'ai perdu mon trésor. Il est à Varsovie. Il ira le chercher qui voudra. Attrapez la mère Ubu. Coupez les oreilles. Oh! Dieu, où suis-je? Je perds la tête. Ah non, Seigneur! Oh! Grâce au ciel, j'entrevois Monsieur le père Ubu qui dort près de moi. Faisons la gentille. Eh bien, mon gros bonhomme, as-tu bien dormi? Fort mal. Il était bien dur, cet ours. Combat de vorace contre les coriaces, mais les vorace ont complètement mangé, dévoré les coriaces, comme vous le verrez quand il fera jour. Entendez-vous bien, noble palatin? Qu'est-ce qu'il m'a fouillé? Il est encore plus bête que quand il est parti. Mais à qui en a-t-il? Cotis, pile! Répondez-moi, sac à merde! Où êtes-vous? Ah, j'ai peur. Enfin, on a parlé. Qui a parlé? C'est pas l'ours, je suppose. Merde! Où sont mes allumettes? Ah, je les ai perdues à la bataille. Profitons de la situation et de la nuit. Simulons une apparition surnaturelle et faisons-lui promettre de nous pardonner nos larcins. Mais par Saint-Antoine, on parle, Jean-Dieu. Je vais être pendu. Oui, monsieur Ubu. On parle, en effet. Et la trompette de l'archange qui doit tirer les morts de la cendre et de la poussière finale ne parlerait pas autrement. Écoutez cette voix sévère. C'est celle de Saint-Gabriel qui ne peut donner que de bons conseils. Oh, ça, en effet. Ne m'interrompez pas ou je me tais, et ça en sera fait de votre giborgne. Oh, ma gidouille, je me tais, je ne dis plus mot. Continuez, madame, l'apparition. Nous disions, monsieur Ubu, que vous étiez un gros bonhomme. Très gros, en effet, ceci est juste. Taisez-vous, de par Dieu. Ah, les anges ne jurent pas. Oh, merde. Vous êtes marié, monsieur Ubu? Parfaitement, à la dernière des chippies. Vous voulez dire que c'est une femme charmante? Une horreur, elle a des griffes partout, on ne sait pas où la prendre. Il faut la prendre par la douceur, Sir Ubu. Et si vous la prenez ainsi, vous verrez qu'elle est au moins l'égale de la Vénus de Capoue. Qui dites-vous, Cadépou? Vous n'écoutez pas, monsieur Ubu. Prêtez-nous une oreille plus attentive. Mais attendons, le jour va se lever. Monsieur Ubu, votre femme est adorable et délicieuse. Elle n'a pas un seul défaut. Vous trompez, il n'y a pas un défaut qu'elle ne possède. Silence donc! Votre femme ne vous fait pas d'infidélité. Je voudrais bien voir qui pourrait être amoureux d'elle. C'est une harpie. Elle ne boit pas. Depuis que j'ai pris la clé de la cave, avant, 8 h du matin, elle était ronde, elle se parfumait à l'eau de vie. Maintenant qu'elle se parfume à l'héliotrope, elle ne sent pas plus mauvais. Ça m'est égal. Mais maintenant, il n'y a plus que moi qu'à être rond. Sans personnage, votre femme ne vous prend pas votre or. Non, c'est drôle. Elle ne détourne pas un sou. Témoin, monsieur notre noble et infortuné cheval à finance, qui n'étant pas nourri depuis 3 mois, a dû faire la campagne entière, traîné par la bride à travers l'Ukraine. Aussi est-il mort à la tâche, la pauvre bête. Tous ceci sont des mensonges. Votre femme est un modèle. Et vous, quel monstre vous faites? Tous ceci sont des vérités. Ma femme est une coquine. Et vous, quelle andouille vous faites? Prenez garde, Père Ubu. Ah, c'est vrai, j'oubliais à qui je parlais. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez tué Venceslas. C'est pas ma faute, moi, bien sûr. C'est la mère Ubu qui a voulu. Vous avez fait mourir Boleslas et Ladislas. Tant pis pour eux, ils voulaient me taper. Vous n'avez pas tenu votre promesse envers Bordure. Et plus tard, vous l'avez tué. J'aime mieux que ce soit moi que lui que règne en Lituanie. Pour le moment, ce n'est ni l'un ni l'autre. Si vous voyez que c'est pas moi. Vous n'avez qu'une manière de vous faire pardonner tous vos méfaits. Laquelle? Je suis tout disposé à devenir un saint homme. Moi, je veux être évêque et voir mon nom sur le calendrier. Hein? Il faut pardonner à la mère Ubu d'avoir détourné un peu d'argent. Eh bien voilà, je lui pardonnerai quand elle m'aura rendu tout, qu'elle aura été bien rossée et qu'elle aura ressuscité mon cheval à finance. Oh, mais il en est okay de son cheval. Oh, je suis perdu, le jour se lève. Mais enfin, je suis content de savoir maintenant assurément que ma chère épouse me volait. Je le sais maintenant de source sûre. Omnis adeo scientia, ce qui veut dire omnis tout, adeo science, scientia vient de Dieu. Voilà l'explication du phénomène. Mais madame, l'apparition ne dit plus rien. Que ne puis-je lui offrir de quoi se réconforter? Ce qu'elle disait était très amusant. Tiens, mais il fait jour. Ah, Seigneur, de par mon cheval à finance, c'est la mère Ubu. Ça n'est pas vrai! Je vais vous excommunier. Charogne. Quelle impiété. Ah, c'est trop fort. Je vois bien que c'est toi, sale chippie. Pourquoi diable es-tu ici? Giron est mort et les Polonais m'ont chassé. Et moi, ce sont les Russes qui m'ont chassé. Les beaux esprits se rencontrent. Mais dis donc qu'un bel esprit a rencontré une bourrique. Eh bien, il va rencontrer un palmipède maintenant. Tiens. Il lui jette l'ours et la mère Ubu tombe accablée sous son poids. Oh, oh grand Dieu, quelle horreur. Oh, je meurs. J'étouffe. Mais il me mord, il m'avale, il me digère. Il est mort, grotesque. Quoi? Mais au fait, peut-être que non. Seigneur, non, il n'est pas mort. Sauvons-nous. Et Ubu remonte sur son rocher. Pater noster qui es... Mais où est-il? Ah, Seigneur, la voilà encore, sotte créature. Il n'y a donc pas moyen de se débarrasser d'elle. Est-il mort, cet ours? Mais oui, sotte pourrie, qu'il est déjà tout froid. Comment est-il venu ici? Je sais pas. Ah si, je sais. Il a voulu manger Pilecotis. Puis moi, je l'ai tué d'un coup de paternoster. Pilecotis, paternoster, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est fou, ma finance. C'est très exact ce que je dis. Toi, t'es idiote, ma giborgne. Raconte-moi ta campagne, Père Ubu. Oh, dame, non. Trop long. Tout ce que je sais, c'est que malgré mon incontestable vaillance, tout le monde m'a battu. Alors... Comment? Même les Polonais? Oh, ils criaient, vive Venceslas, ces bougres-là! J'ai cru qu'on voulait m'écarteler. Oh, les enragés. Et puis, ils ont tué Renski. Oh, ça m'est bien égal. Tu sais que bougres-là, tué le palotin Giron? Ça m'est bien égal. Puis, ils ont tué le pauvre Lassé. Oh, ça m'est bien égal. Ah, mais tout de même, arrive ici, charogne! Mets-toi à genoux devant ton maître. Il l'empoigne et la jette à genoux. Tu vas subir le dernier supplice. Oh, oh, monsieur Ubu. Oh, après, as-tu fini? Moi, je commence. Torsion du nez. Aïe, oh. Arrachement des cheveux. Oh. Pénétration du petit bout de bois dans les oreilles. Extraction de la cervelle par les talons. Lacération du postérieur. Suppression partielle ou même totale de la moelle épinière. Si au moins ça pouvait lui ôter les épines du caractère, sans oublier l'ouverture de la vessie natatoire et finalement la grande décollation renouvelée de Saint Jean-Baptiste, le tout tiré des très saintes écritures, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, mise en ordre, corrigée et perfectionnée par l'ici présent maître des finances. Ça te va-t-il, Andouille? Il la déchire. Oh, grâce, monsieur Ubu! Les mêmes bougres-là se ruant dans la caverne avec ses soldats. Oh, on est bon, mes amis! Vive la Pologne! Oh, attends un peu, monsieur le poloniard! Attends que j'en ai fini avec madame ma moitié! Tiens, lâche! Deux, sacripons! Oh. Mes crayons! Oh, tiens! Tiens, poloniard! Soulard! Bâtard, hussard, tartare, calard, capard, mouchard, savoyard, communard. Capard, cochard, félon, histrion, fripon, souillon, polochon. Les soldats se ruent sur les ubus qui se défendent de leur mieux. Dieu, quel renfoncement! On a les pieds, monsieur le polonais. De par ma chandelle verte, ça va-t-il finir à la fin de la fin? Encore un! Oh, si j'avais ici mon cheval à finance. Tapez, tapez toujours! Vive le père Ubu, notre grand financier! Ah, les voilà, hurrah! Voilà les pères Ubu, en avant, arrivez! On a besoin de vous, messieurs des finances! Entre les palotins qui se jettent dans la mêlée. Les oh, nous nous revoyons, monsieur les finances. En avant, poussez vigoureusement, gagnez la porte. Une fois dehors, il n'y aura plus qu'à se sauver. Ah, ça c'est mon plus fort. Oh, comme il tape. Je suis blessé. Ce n'est rien, sire. Mais non, non, je suis seulement étourdi. Et tapez, tapez toujours, il gagne la porte, les gars. On approche, allez, suivez le monde. Par conséquent de quoi, je vois le ciel. Courage, sire Ubu. Oh, j'en fais dans ma culotte. En avant, corne gidouille. Tudé, saigné, écorché, massacré. Corne d'Ubu, ah, ça diminue. Il n'y en a plus que deux à garder la porte. Le père Ubu les assomme à coups d'ours. Et d'un. Oh, ah. Et de deux. Ouf, mais voilà dehors, sauvons-nous. Suivez les autres, et vivement, hein. La scène représente la province de Livonie, couverte de neige. Les Ubus et leur suite en fuite. Ah, je crois qu'ils ont renoncé à nous attraper. Oui, Bougre-là s'est allé se faire couronner. On ne la lui envie pas, sa couronne. Oh, tu as bien raison, père Ubu. Oui. Ils disparaissent dans le lointain. Scène finale. Le pont d'un navire courant au plus près sur la Baltique. Sur le pont, le père Ubu et toute sa bande. Ah, quelle belle brise! Il est de fait que nous filons avec une rapidité qui tient du prodige. Nous devons faire au moins 1 million de nœuds à l'heure. Et ces nœuds ont ceci de bon qu'une fois faits, ils ne se défont pas. Il est vrai que nous avons vent arrière. Quel triste imbécile! Une risée arrive, le navire couche et blanchit la mer. Oh, ah! Dieu, nous voilà chavirés! Mais il va tout de travers, il va tomber, ton bateau, là. Le monde sous le vent, bordé la misaine. Ah, mais non, par exemple. Vous mettez pas tous du même côté, c'est imprudent, ça. Et supposez que le vent vienne à changer de côté, alors tout le monde irait au fond de l'eau et les poissons nous manferont, hein. N'arrivez pas, serrez prêt et plein. Si, arrivez, je suis pressé, moi. Arrivez, entendez-vous? C'est ta faute, brute de capitaine, si nous n'arrivons pas. Nous devrions être arrivés. Oh, mais je vais commander, moi. Alors, paravirez. Adieu, vatte, mouillé, virez vent devant, virez vent arrière, hissez les voiles, serrez les voiles, la barre dessus, la barre dessous, la barre à côté. Vous voyez, ça va très bien. Venez en travers de la lame, et alors, ça sera parfait. Tous se tordent, la brise fraîchit. Amenez le grand phoque, prenez un riz ou une hier. Ceci n'est pas mal, c'est même bon. Entendez-vous, monsieur l'équipage, amenez le grand coq et allez faire un tour dans les pruniers. Plusieurs agonisent de rire. Une lame embarque. Oh, quel déluge! Ceci est un effet des manœuvres que nous avons ordonnées.

Voyez, voyez la machine tourner. Voyez, voyez la cervelle sauter. Voyez, voyez les rentiers trembler. Hourra, cornes au cul, vive le Père Ubu. Aussitôt je suis lancé par-dessus la barrière, par la foule en fureur je me vois bousculé, et je suis précipité la tête la première dans le grand trou noir d'où ce qu'on ne revient jamais. Voilà ce que c'est que d'aller se promener le dimanche rue de l'Échaudée pour voir des cervelés. Marcher le pince-port ou bien le démanche commence. On part vivant et l'on revient tudé. Voyez, voyez la machine tourner. Voyez, voyez la cervelle sauter. Voyez, voyez les rentiers trembler. Hourra, cornes au cul, vive le Père Ubu! Ainsi s'achève, avec la chanson du décervelage, Ubu Roi, farce en cinq actes d'Alfred Jarry. Nous vous en rappelons la distribution. C'est Jean Richard qui jouait le rôle d'Ubu Roi. Jacques Dufilot était la mère Ubu. Hubert Deschamps, le capitaine Bordure. Guy Pierrot, le jeune Bougrelat. Et tous les autres personnages du Burrois étaient interprétés par Rosy Vart, José Arthur, Habib Benglia, Claude Pieplu, Claude Rich, Pierre Trabot, Yves Duchâteau. C'est Georges Carmier qui a lu toutes les indications scéniques précisées par Alfred Jarry. La prise de son était assurée par Albert Laracine, le montage par Alain Chézot. Théâtre où l'on s'amuse, une production et réalisation de Philippe Soupeau et Jean Chouquet.